à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Fadjet, il est 20h01, nous sommes le mercredi 28 mai. Alors, cette voix-là, vous ne l'avez encore pas entendue. Je me présente, je m'appelle Lionel Blaise, mais tout le monde m'appelle Yo, donc n'hésitez pas à faire de même. Je vais vous proposer une nouvelle émission donc sur Fadjet qui s'appelle Music Live. Pour moi, la musique, elle est vivante et je ne l'apprécie que lorsque je vais en concert. Donc, voir tous les artistes, que ce soit l'artiste qui joue en bas de votre rue, au bistrot du coin ou dans des grandes salles et des festivals. Bref, pour moi, la musique live est la chose la plus essentielle dans la musique. Voilà, je vous invite tous à aller à tous les concerts et à plein de concerts, petits et grands. Voilà, alors cette émission, ce sera bien entendu de la musique live, des titres d'anthologie, mais aussi plein d'autres rubriques, des infos. J'aurai le plaisir de vous inviter aussi, vous les invités, les auditeurs, pour pouvoir aussi nous proposer votre setlist de musiciens et de musique préférée, tout style, hein, c'est open. Et puis voilà, il y aura d'autres rubriques tout au long de ces émissions qui seront diffusées le dernier mercredi de chaque mois à 20h. Alors, pour commencer notre première émission, on va repartir un peu en arrière dans les fondamentaux du rock'n'roll, entre autres, puisque je vais vous passer un titre de Elvis Presley, live, évidemment, qui date de 68, là où il commençait à arriver à Las Vegas, avant que il devienne malheureusement ce qu'on a tous pu constater au fil des années. C'était donc ses dernières vraies belles heures, et là on l'entend en studio, il enregistre en version live donc le studio d'une chanson incontournable qui s'appelle « In the Ghetto ». As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And another young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Du Elvis. Alors juste une petite erreur hein, pour vous dire, c'est ma première, j'ai les dents qui claquent et j'ai les mains à poitre. Et donc en fait ça c'était un concert de 1968 à Memphis et non pas en studio. En studio c'est la prochaine chanson que vous allez écouter, que je vais vous diffuser, qui est un moment assez exceptionnel, qui est un enregistrement rare, c'est-à-dire que Elvis Presley est donc à Las Vegas déjà, il a commencé ses premières chansons, ses premiers concerts, et puis il décide de faire un album avec un orchestre philharmonique, et donc il invite le grand orchestre philharmonique de Londres, et ils vont passer en journée, des journées, pour enregistrer quelques-uns de ses best-of en version, comme aujourd'hui ça se fait souvent à un moment ou d'autre de la carrière de nos artistes, avec un orchestre philharmonique. Voilà, alors la chanson, évidemment, tout le monde la connaît, puisque c'est « Always on my mind ». Allez, on l'écoute tout de suite. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on. All those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time. Brutalement, parce que c'est une prise. Alors, certains vont dire oui, mais c'est du studio. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, les enregistrements en studio se faisaient en fait en live. C'est-à-dire qu'on allait dans un studio d'enregistrement, il y avait les musiciens, il y avait le chanteur qui arrivait et chantait sa chanson complètement du début à la fin, complètement en entier. Et puis, s'il fallait, il recommençait une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois s'il le fallait. Et après, c'est au technicien d'enregistrer la bonne prise, hein, le bel enregistrement, le bon enregistrement pour le disque qui allait suivre. Donc c'est quand même vraiment du live, parce que quand on cherche dans les souvenirs, On voit quelquefois des moments très rares. D'ailleurs, vous en écouterez un tout à l'heure. Voilà. On va continuer avec Elvis, mais là, alors là, plus rien à voir avec avec lui-même, puisque c'est un autre interprète qui, un soir, à Londres, a décidé de rendre hommage à Elvis Presley. Et vous allez voir, c'est très, très, très surprenant. Vous la connaissez ? C'est le boss, Elvis Presley. Cool sur Fadjet. Voilà, nous étions le 10 mai 1980 au Wembley Stadium de Londres. Et Bruce Springsteen, qui aime bien dans ses concerts rendre souvent des hommages à d'autres artistes, l'a fait. Et c'était vraiment très bien. Voilà, on va continuer avec une autre chanson d'Elvis Presley, mais cette fois-ci, la chanson a été traduite en français. Et un artiste dont on ne s'attendait pas, à mon avis, à voir dans ses type de musique là, a enregistré en studio, mais en live, c'est-à-dire qu'il y avait lui, sa guitare, un clavier. Ils ont fait qu'une seule prise, ils ont enregistré parfaitement cette chanson d'Elvis, que vous avez sans doute déjà entendu, peut-être, du moins si vous allez souvent au cinéma, ça date de quelques années, et la musique, le film, pardon, s'appelait Une chanson pour ma mère. Allez, on va écouter et vous me dites qui chante. Je m'en veux, mais je vous l'avoue. Comment ne pas être amoureux de j'étais sage et me voilà fou. Comment ne pas être amoureux de vous êtes la cause de mes insomnies. Faites quelque chose, c'est moi qui vous supplie. Malgré moi, je me sens jaloux. Comment ne pas être amoureux de vous? Ne vous moquez pas, sauvez-moi de vous et délivrez-moi, je suis à vos genoux. Parlez-moi, dites-moi surtout comment ne pas être amoureux de de Dev. Eh oui, le Dev de Vanina s'est aussi posé sa voix pour chanter de jolies chansons et en l'occurrence rendre un hommage à Elvis Presley. Voilà, on quitte la page Elvis Presley, on va se retrouver vers une nouvelle page où là on va aborder un groupe mythique, on est dans le mythique aujourd'hui, hein, donc on va vraiment aborder un groupe mythique avec un document très très très rare. On est en 69, on est dans les studios d'Abbey Road, ça y est, vous avez tout de suite compris, il s'agit des Beatles, évidemment, qui sont en train d'enregistrer leur dernier album, et puis franchement, l'ambiance n'est pas terrible, hein. C'est chaud, c'est tendu, et ils vont donc enregistrer ce qui est sans doute une des plus belles chansons de leur carrière, c'est Let It Be, mais figurez-vous que, donc ils l'enregistrent, hein, comme toujours dans ces années-là, c'est en live, dans le studio, on fait une prise, deux prises, trois prises, etc. Et c'est les réalisateurs qui, après, font les montages finaux pour trouver la meilleure optique, la meilleure qualité de la chanson. Et là, figurez-vous que cette chanson, Let It Be, a été réenregistrée 27 fois. 27 fois, ils sont revenus. Et là, l'enregistrement que vous allez écouter, que j'ai retrouvé dans les archives, donc c'est un enregistrement de la chanson, évidemment, Let It Be, et c'est seulement le 22e. Et pour avoir vu quelques images de ce moment-là, je peux vous dire qu'ils en ont déjà à la casquette, mais ça reste une super chanson, donc une variante un petit peu, hein, de la vraie version qui est sortie après en 45 tours et en album, qui fait partie de ces 27 chansons enregistrées par les Beatles. Allez, on l'écoute tout de suite. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. myself in times of heartache. Brother Malcolm comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my time of darkness, he is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. En train d'enregistrer cette 21e prise de la même chanson, donc avec les mêmes accords et mêmes morceaux de solo. Et figurez-vous qu'on n'a jamais trop remarqué, mais il y a eu un 6e Beatles et même un 7e Beatles. En l'occurrence, le 6e était là présent ce jour-là au studio d'Abbey Road. C'est un musicien américain qui a beaucoup travaillé avec les Beatles sur leurs 3 derniers albums, et qui s'appelait Billy Preston. Et on l'a reconnu après parce qu'il a fait aussi des chansons. Il était très musique soul, musique gospel, et George Harrison aimait beaucoup ce style de musique. D'ailleurs, Billy Preston, on le retrouve dans la chanson qui va suivre. C'est malheureusement une chanson qui a été enregistrée lorsque George Harrison est décédé. Un grand hommage avait été rendu à ce grand artiste au Royal Albert Hall, donc une des salles de concert mythiques de Londres, un peu comme l'Olympia chez nous en France, à Paris. Et donc évidemment, la programmation avait été préparée par Sir Paul McCartney et aussi Eric Clapton. Et donc tout le gratin du rock et de la musique anglo-saxonne était évidemment là ce soir-là, et on va coter une chanson qui est une chanson des Beatles, mais qui avait été composée complètement par les musiques par George Harrison. C'est une magnifique chanson, et là je peux vous assurer que c'est une magnifique restitution pour cette soirée-là à Londres. Allez, on l'écoute tout de suite. When My Guitar Gently Weeps. Faut pas oublier. Bonne soirée à tous sur Fadjet. Si vous êtes sur la route, cool, cool, cool. Solo de guitare sur toute la chanson. Vous allez écouter un moment mémorable. C'est Prince. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Génial, non? Et donc, je me suis un peu planté dans mes fiches. En fait, c'était pas à Londres, c'était à Washington, lorsque, à titre posthume, on a remis encore une distinction de plus à George Harrison. Voilà. Mais c'était bien Prince à la guitare, ça c'est sûr. Et donc, c'est maintenant qu'on va écouter une version d'une des chansons des Beatles, et plus particulièrement la fin des Beatles, une chanson que George Harrison va reprendre lui-même. La chanson était déjà connue par le groupe avant, mais n'avait pas vraiment fait l'unanimité. Donc lui, il la prend pour lui, et il reprend à cette occasion Billy Preston, qui était un organiste absolument fantastique, et là on va le retrouver, c'est cette fois-ci à Londres, lors de l'hommage après la disparition de George Harrison, et il y a tout le gratin, il y a McCartney, il y a bien sûr plein d'autres artistes qui sont là, et vous allez écouter cette version de la chanson, sans doute une des chansons les plus célèbres de George Harrison, qui s'appelle My Sweet Lord, et là, à la guitare, au solo, on va retrouver Eric Clapton. On tape dans les mains. Allez, il fait bon sur Fadjet ce soir. Ouais. But it takes so long, my Lord. Hallelujah. Billy Preston, comme elle est belle aussi. Alors voilà, on va tourner encore une nouvelle page. Cette fois-ci, salut les Beatles, et on va aller vers un groupe dont la chanson est sans doute une des chansons qui est rentrée dans la Bible du rock grâce à Jimmy Page et Robert Plant, les musiciens anglais fondateurs du groupe Led Zeppelin en 68. Alors évidemment, Stairway to Heaven est une chanson qui est sortie le 8 novembre 71 sur leur quatrième album, qui s'appelle Led Zeppelin 4, chez Atlantic Records, et composée par le célèbre duo sur quasiment l'intégralité des chansons. Et là, on va les voir dans une version en live qui date de 1975, qui dure de plus de 10 minutes. Donc si vous êtes au boulot, hein, c'est le moment de faire la pause. Et vous allez écouter Stairway to Heaven. C'est parti! Vous vous rappelez les belles années, les jeunes années? Ah, il y a beaucoup de cette chanson-là. Bonne soirée sur Fadjet. Vous êtes sur Live Music. Et c'est avec Kyo. Forests will echo with laughter. Dear remember laughter. Priceless. Bus. A stairway to heaven. Vous connaissez une radio qui vous passe une chanson qui dure plus de 10 minutes? Non, c'est sur Fadjet, bien sûr. Et c'est avec live music. Merci au Led Zepp pour ce super titre. Et on va déjà presque se quitter avec une autre page que l'on ouvre, et cette fois-ci en hommage à un groupe qui n'a pas joué ensemble depuis très très longtemps et qui s'appelle les Pink Floyd. Alors on va les retrouver, les Flamants Roses. Hein, c'est parce que aussi j'aime bien la Camargue, hein, donc... c'est un bon lien. Donc on va retrouver les Pink Floyd dans deux titres. Le premier, c'est Breath. Le second, incontournable, le célèbre I Wish You Were. Donc on va se quitter sur ces deux chansons-là. Je vous rappelle que Music Live, c'est tous les derniers lundis de chaque mois à 20h sur Fadjet. Ça dure une heure, plus si affinité. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur budget.net. Et puis, je vais vous donner d'autres infos dans la coupure entre les chansons pour qu'on puisse aussi rester en contact ensemble tout au long de ce temps entre deux émissions. Allez, on écoute les Floyd. Bon, on lance d'abord à Michoui, finalement. Bon, c'est cool, hein, c'est ma première. J'espère que vous ne voudrez pas trop, mais c'est bon. Running over the same old pour vous dire aussi quand même que ce concert n'était pas n'importe quel concert, c'était un concert qui s'est déroulé en 2005, c'était à Hyde Park à Londres. Il y avait plus de 100 000 spectateurs qui étaient à Hyde Park, et en plus il y avait plus de quelque chose comme 3 millions de personnes via la plateforme Live Nation qui retransmettait le concert sur Internet. Et ce concert était vraiment très particulier puisque ça faisait quasiment 24 ans jour pour jour que les Pink Floyd ne s'étaient pas réunis. D'ailleurs, ils ont fait quelques concerts et puis après ils sont repartis et on les a malheureusement plus revus ensemble à part l'intervention de quelques-uns dans les concerts des autres. Voilà, on va se terminer donc avec le dernier titre des Floyd, c'est Breath. On se retrouve le mois prochain. Donc le mois prochain, ça sera une émission live tout aussi intéressante, puisque là je vais vous annoncer pas mal de concerts qui vont avoir lieu, alors que ce soit à Nancy, dans la région Lorraine, dans le Grand Est, en France, en Europe, aux frontières de notre pays, et bien plus loin, et même aux États-Unis, pour voir où passe qui et quand. Voilà, donc je vais travailler là-dessus pour vous faire une petite liste de concerts, avec si possible que des concerts où il y a encore des places à acheter et encore de la disponibilité. Je vous le dis, je vous le redirai tout le temps, allez au concert, allez voir de la musique vivante, allez voir de la musique live. C'est comme ça que on apprend, on découvre la musique, les chanteurs, les artistes, le background, les coulisses et tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment super sympa. Le temps des festivals approche, n'hésitez pas, allez-y en courant. Allez les Floyd, bonne soirée à tous, on se retrouve le mois prochain. La suite des programmes de Fadjet dans quelques instants. À bientôt, ciao ciao. fields, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spell.